Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les études doctorales représentent-elles la voie d'entrée des migrant talents, demande le sociologue Pierre-Michel Minger. Comment fonctionne la sélectivité des immigrés de talent, ces travailleurs ou étudiants très qualifiés? Pierre-Michel Minger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, après des études de philosophie et un doctorat de sociologie, est entré au Centre national de la recherche scientifique, puis à l'École des hautes études en sciences sociales, où il a dirigé le Centre de sociologie du travail et des arts dans une démarche pluridisciplinaire. Il a rapproché la sociologie de l'économie, du droit et de l'histoire pour chercher à renouveler, explique-t-il, l'analyse théorique et empirique du travail, des marchés et des modèles d'acteurs dans les sciences sociales. Sur 2 années, le sociologue nous propose d'interroger le talent et de réaliser ce qu'il appelle des éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Lors de la leçon inaugurale de Pierre-Michel Minger en 2014, il était rappelé au Collège de France que ses recherches, son expertise et son approche ont aujourd'hui des résonances toutes particulières face à l'évolution du travail et au plus près des défis des sociétés contemporaines. Ces sociétés sont vouées à l'invention et à l'innovation, rappelé Pierre-Michel Minger, et la créativité et l'intelligence des actes de travail sont de plus en plus mises en avant, les qualités attachées aux tâches non routinières ont une valeur croissante. La teneur du travail en savoir et en qualité complémentaire des innovations techniques semble être le nouveau modèle de croissance, et pourtant la valeur formatrice du travail même est plus inégalement distribuée que sa rémunération. Ces inégalités sont au cœur des interrogations autour des enjeux sociaux et économiques de la valeur talent. Et comme le remarque Pierre-Ozan Vallon, que cite Pierre-Michel Minger, la mobilisation de l'ouvrier masse de l'ère fordiste a cédé la place à une valorisation des capacités individuelles d'adaptation et d'innovation, et les qualités de réactivité ont supplanté le sens de la discipline. Les caractéristiques du travail créateur peuvent donc puissamment éclairer le fonctionnement d'une société fondée sur l'innovation et la connaissance. Elles permettent aussi d'en appréhender à la façon d'un miroir grossissant les pathologies, nouveaux régimes d'inégalité, formes de pressions inédites. Alors les pays qui importent les talents sont-ils prédateurs? Ou est-ce moins simple? La Chine s'est-elle fait financer la formation de ses ingénieurs par les États-Unis? Nous plongeons tout de suite dans l'analyse d'un rapport de l'OCDE de 2008 et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 27 janvier 2017 pour le cours de Pierre-Michel Minger, aujourd'hui les migrations de talents. Depuis les années 60, ce sont environ 3% de la population mondiale qui vivent dans un pays différent de celui où ils sont nés. Et ça n'a pas tellement varié. Mais plus que le volume, ce sont en fait les caractéristiques de ces mouvements migratoires qui ont changé. Alors, Ici, vous avez une vision des choses dans les pays de l'OCDE. On s'est restreint aux pays de l'OCDE. Et je tire donc les données de cet article. Ils ont, en quelque sorte, recalculé des données de la base de l'OCDE et d'une autre base. Et ils examinent les mouvements migratoires à partir de décompositions d'ensemble. Qu'est-ce que c'est que les migrations ? Soit high-skilled, soit low-skilled. Et ici, c'est en 90 et en 2010. Vous voyez que les mouvements migratoires des gens très qualifiés ont beaucoup progressé en 20 ans. Et les mouvements migratoires des gens faiblement qualifiés ont aussi progressé, mais moins rapidement. Les migrants très qualifiés sont aujourd'hui en nombre équivalent aux migrants peu qualifiés. Donc, c'est une information importante qui montre que la composition des migrations et des mobilités s'est transformée dans les 20 dernières années, pour les raisons que j'ai indiquées. Ensuite, le graphique détaille les origines des migrants. Est-ce qu'ils viennent de pays de l'OCDE ou est-ce qu'ils à l'extérieur de l'OCDE, pardon, ici, ou bien à l'intérieur de l'OCDE, autrement dit, ce sont des migrants internes à l'OCDE. L'OCDE, c'est à peu près un cinquième de la population mondiale, mais c'est beaucoup plus en termes de richesse. Donc ce sont évidemment des pays qui sont attractifs. Vous voyez que les origines extérieures à la CDE dominent, mais que les mouvements migratoires internes ne sont pas négligeables. Vous voyez aussi que la part des migrants très qualifiés venus d'ailleurs que des pays de l'OCDE a beaucoup augmenté en 20 ans, et beaucoup plus là aussi que les faiblement qualifiés. Ensuite vient la question, une autre variable, c'est où vont-ils ? Vous voyez que les États-Unis dominent comme pays cible des mouvements migratoires dans leur ensemble, qu'ils viennent de l'OCDE ou d'ailleurs. Ils captent une part très importante de 40% de la migration très qualifiée. Et enfin, un point qui est important, c'est la migration féminine. Eh bien, les femmes sont aujourd'hui aussi nombreuses que les hommes parmi les migrants très qualifiés. Et ça, c'est un résultat qui est tout à fait spectaculaire. Cette contribution des femmes a beaucoup augmenté, donc au point que les effectifs des migrantes très qualifiées dépassent les effectifs des hommes très qualifiés en 2010, et notamment en raison de la contribution très élevée de la migration qualifiée africaine et asiatique. Cette relation entre des flux migratoires selon le niveau de qualification d'un côté et le potentiel d'innovation des pays de l'autre est beaucoup mise en avant, par exemple, dans des cas symboliques comme celui de la Silicon Valley. Pas un hasard si la Californie est un champion absolu des mesures anti-Trump qui visent à la fois le protectionnisme, mais aussi la fermeture des frontières massive. La Californie rêve d'entrer en sécession pure et simple des États-Unis et de dire au revoir, nous nous constituons en entités séparées, ce qui est un processus très compliqué. Mais et au cœur de la Californie, évidemment, comme je l'avais déjà dit la fois dernière, la Silicon Valley est toujours emblématique. En 2013, 56% des travailleurs dans le secteur des ce qu'on appelle STEM, c'est-à-dire Science, Technology, Engineering et Mathematics, et 70% des ingénieurs en software de la Silicon Valley étaient nés à l'étranger. Et donc ce fait-là est souvent mis en avant pour souligner que le jeu du talent trafic migratoire doit être à somme positive pour les pays d'accueil de ces migrations de talents sous l'effet des facteurs suivants: contribution du capital humain en quelque sorte importé à la croissance économique, les retombées, les fameuses spillovers, engendrées par des phénomènes d'agglomération des compétences. Il y a une dynamique propre à rapprocher, due au rapprochement entre des gens très qualifiés. La contribution des universités à cette dynamique d'attraction concurrentielle pour faire venir les étudiants étrangers les plus brillants pour les former et les retenir dans les emplois supérieurs, avec une machinerie sélective extrêmement standardisée et puissante. Vous allez comprendre l'importance de cet aspect de l'étape d'entrée par la formation supérieure. Le second fait important est la diversité croissante des pays d'origine de cette migration hautement qualifiée qui va vers les pays occidentaux de l'OCDE. Cette diversité croissante contraste fortement avec la concentration des flux vers un petit nombre de pays d'accueil. Les États-Unis attirent à eux seuls près de 40% de ces immigrants hautement qualifiés qui viennent du monde entier vers ces pays. Quatre pays de l'OCDE, USA, Canada, Australie et Royaume-Uni, attirent près de trois quarts des immigrants qui vont vers l'ensemble des pays de l'OCDE. À l'inverse, l'émigration de travailleurs hautement qualifiés, elle est corrélée, mais négativement, à la taille du pays et à son PIB. Plus un pays est pauvre, mais aussi plus il est petit, plus il émet de migrants très qualifiés. Autrement dit, les élites de pays pauvres et petits fuient massivement. Je crois que le Guyana tient en quelque sorte le record avec plus de 90% des... Je n'ai pas présenté les données, mais avec près de 90% d'émigration des gens très qualifiés. Évidemment, il y a des facteurs qui ne sont pas simplement de niveau de PIB et de taille, mais les autres facteurs qui contribuent très puissamment à cette asymétrie des destinations de la migration des talents sont la concentration des universités de premier plan, des firmes de haute technologie, des centres de recherche et des centres de recherche et de développement. Alors, maintenant, la question est, ce talent flow, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour qui, évidemment? Et la perspective est très différente selon le point de vue qu'on adopte. La mobilité des talents s'apparente en cas de solde migratoire très déséquilibré des hautes qualifications, à un comportement qu'on peut juger prédateur par les pays, en tout cas c'est le point de vue des pays, qui perdent en quelque sorte le bénéfice des investissements éducatifs publics et privés qui ont été réalisés pour former ces travailleurs très qualifiés et qui perdent le bénéfice de la contribution de ces travailleurs à la croissance et au développement du pays d'origine, bien sûr. La perte nette doit être estimée aussi en faisant l'ensemble des comptes, et notamment en réintroduisant dans la balance coût-bénéfice les transferts de revenus éventuels vers le pays d'origine de ces migrants, et l'ensemble des liens économiques, sociaux, familiaux, qui sont maintenus entre les migrants et leur pays d'origine. En tenant compte des probabilités et des mouvements effectifs de retour, il faut donc tenir compte d'un flux de rapatriement possible de capitaux matériels et immatériels, connaissances, expériences, capital relationnel, qui ont été accumulés par les migrants et qui sont réinvestis dans leur pays d'origine en cas de retour. C'est d'ailleurs un des grands sujets de la politique chinoise qui, maintenant qu'elle a atteint un niveau de développement suffisamment élevé, peut s'adresser à ses élites formées à l'étranger. Et vous allez comprendre quel est le flux quand je vais vous présenter des données tout à l'heure, en leur disant « Revenez vers nous, chers talents, puisque vous avez été bien formés, notamment aux États-Unis, revenez vers nous pour réinjecter dans votre pays les compétences, les connaissances, les aptitudes et les dispositions que vous avez acquises dans cette compétition très sélective pour vous faire une place dans le pays d'accueil, qu'étaient les États-Unis. Alors, est-ce que c'est le cas, ces phénomènes de retour? Les données disponibles sur les retours de migrants hautement qualifiés vers leur pays d'origine sont des données limitées. On en trouve un certain nombre dans ce rapport de l'OCDE de 2008, mais elles suggèrent d'une part que les migrants, les travailleurs migrants très qualifiés sont plutôt enclins à réémigrer, mais à l'exception de ceux qui détiennent les niveaux de formation et de qualification les plus élevés, notamment des détenteurs d'un PhD, ou qui ont des positions et des salaires qui sont très liés à des niveaux de productivité très élevés. Autrement dit, c'est une courbe en U. Ceux-là sont beaucoup moins enclins à repartir. Par exemple, restent durablement aux USA, ça a été montré dans des travaux, 79% des titulaires d'un doctorat dans les sciences, les STEM, Science, Technology, Engineering et Mathematics, qui sont originaires d'Inde, 79%, et 89% des mêmes titulaires d'un doctorat dans ces sciences qui viennent de Chine. La mobilité migratoire des talents s'apparente à une égalisation internationale des opportunités de réaliser son potentiel du point de vue des travailleurs très qualifiés. Autrement dit, le fameux problème des égalités d'opportunités qui est généralement associé à la discussion sur la méritocratie, égalité des chances ou égalité des résultats, etc. Ce problème d'égalité d'opportunité, on peut l'appliquer à un autre cadre que le cadre national, comme je le fais ici depuis le début du cours, précisément parce qu'on a affaire à des mouvements très larges de mobilité d'un segment particulier de la population. Ces travailleurs qualifiés sont formés du reste selon des technologies éducatives qui commencent à converger beaucoup d'un pays à l'autre et qui convergent d'autant plus qu'on s'élève dans le niveau d'études et dans la hiérarchie des établissements d'enseignement. À certains égards, j'ai commencé à le montrer l'an dernier, l'enseignement supérieur s'apparente à une vaste communauté multinationale d'organisations outillées de standards, de benchmarking, ce qu'on appelle parangonnage, de classements, d'alliances, de partenariats internationaux et de personnels universitaires qui sont désormais beaucoup plus internationaux. Je vais en montrer tout de suite une illustration. En raison même de ces mouvements migratoires que j'ai décrits. Les scientifiques font partie de ce mouvement, évidemment. Et donc, les migrants très qualifiés adhèrent d'autant plus à une conception méritocratique de la réussite via la migration, qu'ils se déplacent, un, vers des pays à salaire plus élevés, éventuellement plus élevés de plusieurs magnitudes, que ceux que peuvent leur procurer leurs qualifications et leurs chances d'emploi dans leur pays d'origine. Vous pouvez imaginer le différentiel quand vous venez du Guyana. Et deux, vers des pays à taux et progressivité faible ou compétitive des prélèvements fiscaux, autrement dit des pays dans lesquels leur réussite personnelle est congruente avec l'adhésion à une philosophie sociale et économique de la croissance qui établit la priorité de la création de richesses sur un principe distributif à chacun selon ses aptitudes, qualifications et efforts et qui relègue à l'arrière-plan les principes de redistribution qui corrigent et compensent les inégalités engendrées par la polarisation des emplois et des salaires. Si vous songez à la concentration des flux migratoires dans quatre pays que j'ai cités tout à l'heure, vous aurez une illustration assez simple de ce mécanisme. Yeah. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, les migrations de talents. Alors, du point de vue des pays qui sont récepteurs des flux de talents immigrés et aussi du point de vue des entreprises qui les emploient, évidemment, le gain net de ce talent drain est élevé quand l'emploi hautement qualifié se développe et que le recrutement des talents immigrés s'opère, comme je l'ai dit, en complément plutôt qu'en substitution de la main-d'œuvre qualifiée locale. Et que un mécanisme endogène de croissance, comme on l'appelle, dans les travaux par exemple de mon collègue Philippe Aguillon ici, est entretenu par l'arrivée de travailleurs très qualifiés, plus entreprenants, plus motivés, plus productifs que la moyenne des talents natifs. Je vais l'illustrer. Qu'ils sont par ailleurs dotés de compétences fortement demandées. Les computer scientists recrutés beaucoup en Inde et en Chine en sont une illustration, qu'ils sont dotés de dispositions et d'une adaptabilité à la mobilité qui sont recherchées, notamment lorsqu'il s'agit d'emplois dans des sociétés multinationales. Au total, le gain est d'autant plus élevé que les probabilités sont plus fortes de trouver chez les talents migrants les deux versants du talent, dans la définition de la méritocratie, c'est IQ plus effort. Et le versant dispositionnel de l'effort, c'est-à-dire la motivation, la persévérance et l'engagement au sein de l'organisation. Sachant que l'interaction de ces deux facteurs a des effets multiplicatifs, comme on le verra plus tard. Et donc, mon argument de l'égalité d'opportunité en quelque sorte mondialisée s'applique à la partie supérieure de la distribution des qualifications et des compétences, les fameux high-skilled workers. Ici, on peut s'inspirer de travaux comme ceux de François Bourguignon et d'autres chercheurs qui ont montré que, dans la mondialisation, les inégalités entre pays, between, diminuent, mais que les inégalités au sein des pays, within, augmentent, ou reste stable à des niveaux élevés. Et l'étude des talent flows permet d'identifier un rouage essentiel de cette réduction des inégalités between, parce que les migrations de haute qualification mettent en relief, en quelque sorte, le lien entre système de formation et marché du travail et entre leurs mécanismes respectifs et corrélés de sélection. Alors, je vais m'attarder un instant à ce point. Des travaux récents, notamment de collègues de Bound, de Mercy, Kana et Turner, la collection des noms illustre d'ailleurs la diversité probable des origines de ces auteurs, permettent de préciser la double qualification du talent migrant. Du côté de l'admission des étudiants étrangers et du côté du marché du travail qualifié. Alors, le raisonnement peut être conduit en trois temps. Le premier temps, c'est les flux d'étudiants étrangers aux USA ont beaucoup progressé. Les données ici vont de 1952 à 2012. Et il y a deux courbes, une courbe qui décrit les undergrads et l'autre courbe qui décrit les graduate students. Ce qui est remarquable, en dehors de quelques anomalies ou quelques divergences brèves, ce qui est remarquable, c'est la croissance à peu près identique des deux courbes, alors que les effectifs sont des effectifs, ce ne sont pas des taux. Donc vous avez ici une mesure de l'attractivité des États-Unis sur les deux grands segments de la population étudiante, les étudiants undergrads et les étudiants graduates, c'est-à-dire master et doctorat. Et l'essor est tout à fait spectaculaire. Et la ressemblance des deux courbes non moins spectaculaire. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'études supérieures, mais aussi d'études très supérieures. Mais c'est la composition des effectifs de ces, étudiants venus d'ailleurs que des États-Unis, se former aux États-Unis, qui est intéressante quand on la décompose par pays d'origine. Et voilà les données qui portent, j'emprunte ces données donc à Bound et co-auteur. Les données ici sont celles de 93 et là de 2011. Le pays qui était pour les undergrads émetteur net de candidats à la formation aux États-Unis, en tête, c'était le Japon, puis le Canada, puis la Corée du Sud, la Malaisie, le Taïwan, Hong Kong et l'Indonésie. En 2011, le paysage a changé. C'est une sorte de cartographie de la mondialisation par le haut, si vous voulez, et pas par le bas. C'est la Chine qui arrive en tête, la Corée du Sud est deuxième, l'Arabie Saoudite est troisième, l'Inde arrive ensuite et le Canada, etc. Le Japon a perdu sa place, il est septième. Ensuite, c'est les graduates, c'est-à-dire master et doctorat et formation professionnelle. Eh bien, en 93, la Chine était déjà en tête, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un point assez intéressant qui permet de comprendre que la Chine a fait financer ses élites par les États-Unis. Et elle est à nouveau, elle est toujours en tête en 2011, et l'Inde était déjà là, pareil, et elle est toujours deuxième, et la Corée du Sud est derrière. Le développement de la Corée du Sud, et quand même, c'est un miracle économique si on veut, mais vous voyez bien qu'il y a des socles qui sont liés à ces mouvements et à ces échanges. Derrière la migration, il y a évidemment tout ce réseau d'échanges dont j'ai parlé et tous ces phénomènes de convergence par benchmarking des modèles de formation et de travail. Alors, le niveau d'études et le domaine d'études. Les étudiants undergrad aux États-Unis, je m'intéresse ici beaucoup aux États-Unis parce que les phénomènes sont, comme je l'ai dit, beaucoup plus massifs et mieux documentés pour des raisons de nombre, littéralement, et d'ancienneté dans le mouvement. Mais on peut faire une analyse, évidemment, des étudiants migrants vers la France qui ont de tout autres caractéristiques. Les étudiants undergrad étrangers aux États-Unis représentent environ 3% de l'ensemble des étudiants des universités américaines, private, public, non-profit, en 2011. Mais la proportion des étudiants étrangers est beaucoup plus élevée pour les graduate programmes, comme je l'ai dit, en distinguant les deux, puisque là, on a, selon les statistiques disponibles en 2011, 29% des doctorats sont délivrés à des étudiants détenteurs de visa. Et quand on restreint dans le champ des science and engineering, les fameux STEM, on en a 34%, et dans la seule discipline de engineering, on en a 56%. Et parmi eux, une masse considérable de Chinois. Les États-Unis ont formé les ingénieurs chinois. Maintenant, si on cumule l'analyse des deux variables de niveau de formation et des pays d'origine, voilà ce que ça va nous dire. Alors, je vais commenter uniquement les données qui concernent la Chine, qui sont intéressantes pour la raison suivante. Quand vous êtes étudiant en undergraduate studies aux États-Unis, vous payez très cher. Et il faut financer. Donc, les familles, éventuellement des aides du pays émetteur de ces étudiants peuvent jouer, mais les familles surtout. Et le niveau de flux migratoire des étudiants undergrads était très faible avant les années 2005. C'est là le point de rupture, hein, parce que la Chine était un pays dont le développement limitait la capacité financière même de leurs élites pour financer cette formation des undergrads à l'étranger. Et que par ailleurs, les compétences linguistiques étaient probablement moins diffusées dans la population à ce moment-là. En revanche, la population des docteurs, des candidats à des programmes doctoraux ou de master, mais là, c'était principalement des programmes doctoraux, là, les études ne sont pas financées par les individus, mais sont financées par les universités. Les universités emploient leurs docteurs, leurs candidats doctorants, pour des tâches de teaching assistant and research assistant, et en quelque sorte, payent leur formation moyennant contrepartie de services rendus sous cette forme-là, donc d'un emploi, tout en étant étudiant. Et donc, c'était une voie extrêmement commode et financièrement importante pour un pays comme la Chine que de faire financer ses étudiants doctorants par le pays d'accueil sans avoir à assumer les coûts. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à un moment donné, la courbe des undergrads monte et elle indique qu'un autre mécanisme s'est mis en place, celle des doctorants aussi, des étudiants doctorants, mais là, elle est nourrie progressivement aussi de candidats au master, et pas simplement, et le master, lui, est payant. Donc vous avez une illustration d'un mécanisme économique qui est quel est le coût de la mondialisation des talents et de la formation de ces talents par un pays étranger et comment il est pris en charge. Évidemment, quand les États-Unis mettent de l'argent dans la formation de ces étudiants étrangers, le pays veut en espérer, ou les universités en question veulent en espérer des retours. Autrement dit, pendant leur séjour comme doctorants, et éventuellement après, le pays peut espérer qu'il contribue très positivement à la croissance de la production de connaissances, notamment dans les disciplines à très forte compétition mondiale et à très fort déversement sur le potentiel d'innovation du pays, comme dans les disciplines scientifiques dont j'ai parlé, la fameuse tétralogie Science, Engineering, Mathematics and Technology, et dans laquelle se trouve évidemment l'informatique. Et comme j'ai montré aussi tout à l'heure, je vous ai dit que cela était susceptible de repartir, mais les docteurs moins que les autres, il y a là évidemment un point clé qui est jusqu'où va-t-on dans le pays d'accueil pour former des candidats à l'immigration qui ne vont peut-être pas repartir, mais qui vont contribuer fortement à la croissance par l'innovation dans le pays. Voilà le genre de raisonnement qui est mené à partir de ces données. Et donc, nous tenons ici un des rouages de la mondialisation des talents. Dans le pays dont le niveau de développement est insuffisant pour fournir à leurs étudiants migrants des moyens suffisants pour couvrir les coûts de formation dans les pays les plus attractifs, ce sont donc bien les fameuses études doctorales qui ont représenté la voie d'entrée dans les formations supérieures, comme les données que je présente ici le montrent. Et quand le pays source de migration étudiante se développe économiquement et dote donc les étudiants et leurs familles de capacités suffisantes, notamment les familles qui ont tiré parti de la croissance du pays en question pour s'enrichir, et en Inde et en Chine, il s'est constitué des élites économiques extrêmement riches, et les inégalités chinoises sont un cas d'école à tous égards. Évidemment, dans ce cas-là, la demande d'accès aux études supérieures dès le niveau undergrad augmente rapidement. Quand on fait une décomposition encore plus fine des effectifs des étudiants chinois et indiens qui sont admis dans les graduate programmes américains, on voit deux choses. Leur nombre a d'abord plus que doublé entre 1993 et 2011, 2,4 pour la Chine, fois 2,1 pour l'Inde. Et d'autre part, la diversité des programmes d'études a augmenté conformément à l'analyse que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que les étudiants vont vers des programmes qui sont plus simplement doctoraux, mais aussi de master, avec un rendement plus immédiat, et aussi vers des programmes d'écoles professionnelles, droit, médecine et management. Le nombre de médecins étrangers aux États-Unis est considérable, il est de presque 30%. Quand vous faites soigner par un dentiste à New York, vous avez une chance importante d'avoir un Russe, un Asiatique ou autre, et son remplaçant aussi. C'est intéressant. Plus on s'élève dans le niveau de formation, plus le lien entre la formation reçue et la qualité des emplois obtenus se renforce, et aussi plus s'élève la proportion des immigrants d'abord étudiants puis en emploi, à rester dans le pays d'accueil, comme je l'ai dit. Donc ici, les mécanismes de sélectivité cumulent en quelque sorte leurs effets, ou pour le dire autrement, la qualité de l'insertion professionnelle bénéficient de l'avantage cumulatif procuré par le franchissement des épreuves sélectives successives. Il faut d'abord avoir réussi de très bonnes études secondaires pour se signaler dans son propre pays. Et il y a des pays où la technologie de sélection par la qualité des études secondaires pour les candidats à la formation à l'étranger est quasiment militaire, où c'est une administration très sophistiquée qui fait les tris et qui distribue les flux en fonction de des pays d'accueil, du niveau des pays d'accueil possible. Et les meilleurs étudiants sont dirigés vers les pays d'accueil les plus intéressants et les étudiants de rang 2 vers des, etc., etc. C'est une, et la Chine pratique ça de manière extrêmement délibérée et organisée. Donc, il faut réussir de très bonnes études secondaires, éventuellement de premier cycle supérieur. C'était le cas pour ces candidats au doctorat chinois aux États-Unis dans la première phase. Il faut être admis dans des programmes doctoraux sélectifs dans le pays d'accueil, aux États-Unis ou en Australie, etc. Il faut aussi obtenir son doctorat. Mais il y a un autre mécanisme d'avantage cumulatif, c'est évidemment l'accumulation de compétences et de dispositions à la productivité dans des métiers très qualifiés. C'est d'ailleurs exactement la doctrine des services d'immigration. Les limites fixées au visa de travail temporaires sont beaucoup plus contraignantes aux USA pour ceux qui ont été formés à l'étranger, ceux qui ont été formés à l'étranger et qui arrivent comme travailleurs, à la différence de ceux qui se sont formés aux États-Unis et qui y restent. Là, les contraintes sont moindres. Et donc, ça accroît fortement l'attractivité d'un schéma séquentiel d'immigration, formation ou complément de formation supérieure tout de suite aux États-Unis, puis emploi dans les métiers très qualifiés. Et la formation et la diplomation dans les universités américaines offrent évidemment aux immigrants des chances beaucoup plus élevées de s'insérer durablement sur le marché du travail américain en ayant exploré celui-ci, en ayant testé des opportunités de formation complémentaire et d'emploi pour améliorer ce qu'on appelle le job match, c'est-à-dire la qualité de l'appariement entre vos préférences, l'emploi que vous pouvez éventuellement obtenir et votre formation. Il se trouve que le mécanisme d'avantage cumulatif que je décris à travers la capacité de se propulser au sein de ces épreuves successives de sélection est exactement un des ressorts de la parabole des talents que je vous exposerai plus tard. Et donc, on a là à nouveau un moyen de rejoindre la sémantique profonde du vocabulaire du talent à travers des analyses qui paraissent s'en éloigner beaucoup. Vous écoutez le sociologue Pierre-Michel Minger au Collège de France, aujourd'hui les migrations de talents. Alors, nous disposons de travaux approfondis sur les performances respectives des immigrants selon la procédure d'immigration. Et je vais notamment exposer quelques résultats de travail d'une économiste, je ne sais pas si elle est canadienne ou américaine, en tout cas elle est en poste à l'université McGill à Montréal, disons qu'elle est d'Amérique du Nord, elle s'appelle Jennifer Hunt, et elle a étudié les différentes voies d'immigration légale, les différents types de visas temporaires, et elle analyse les salaires des immigrés qualifiés, ou très qualifiés, en emploi, mais aussi selon ces différentes voies d'immigration, autrement dit selon les différents types de visas, mais elle analyse aussi la probabilité de déposer des brevets d'inventeur. Quand on veut mesurer la créativité des individus et l'inventivité des individus, ce n'est pas si simple. Vous n'avez pas 36 moyens. Vous pouvez regarder dans un monde qui est habitué à ça, la production d'articles académiques scientifiques, ou vous pouvez regarder les dépôts de brevets. Les dépôts de brevets sont une des sources d'informations publiques, stables, et qui disposent de séries longues pour analyser la capacité d'innovation dans un pays. Et beaucoup de collègues recourent à cette source. Et cette collègue-là le fait aussi. Et donc, elle étudie comme variable décrivant la performance des individus selon leur origine, leur filière migratoire, en quelque sorte. Elle étudie les dépôts de brevets, mais aussi la commercialisation et l'exploitation de ces brevets. Et enfin, elle étudie l'aptitude à démarrer une entreprise et à y réussir. Et donc, pour chacune de ces variables, il est possible de mesurer la performance relative des différentes catégories d'immigrants en les comparant, en comparant ces différentes catégories entre elles et en les comparant avec les natives. Alors, c'est l'objet du travail qui est présenté ici. Alors, il est très difficile à lire pour vous, mais je vais brièvement le commenter. Ce sont des graphiques qui sont basés sur des régressions logistiques. Les régressions logistiques, ce sont, comme vous le savez, des raisonnements qui s'établissent en contrôlant pour un facteur dont on veut mesurer l'impact et un résultat, on contrôle les autres variables qui sont susceptibles d'affecter le résultat. Et donc, ici, les régressions logistiques portent d'une part sur, il faut que vous me croyez sur parole parce que c'est très difficile à lire, mais les données le présentent toujours de la même manière. Ceux qui disposent d'un visa postdoc qui sont en deux, ici sur la deuxième ligne, le résultat, il est à la fois avec un point qui indique le résultat central et puis la ligne indique l'intervalle de confiance du résultat. Donc, mais il faut regarder principalement le point. Quand on est statisticien ou chercheur, on regarde les deux, mais pour la démonstration, je vous demande de regarder le point. Donc ça, c'est les salaires et ça, c'est les brevets. Dans les salaires, il y a un avantage qui est donné littéralement à ceux qui sont doctorants, post-doctorants, puis viennent les graduates. En fait, quand on regarde les données, on a une hiérarchie qui s'établit ainsi, par ordre décroissant en termes de gains, donc de performance des individus selon leur filière d'arrivée dans le pays. Vous avez les chercheurs postdoctoraux et ce qu'on appelle les résidents médicaux, c'est-à-dire les internes des hôpitaux, qui sont très nombreux étrangers aux États-Unis, les étudiants graduates, les détenteurs de visas temporaires de travail de type H1B. Donc, il vaut mieux être arrivé pour se former sur place et ensuite accéder à un travail que d'arriver directement par une demande d'emploi ou une tentative de séjour pour occuper un emploi sans avoir été formé sur place. Ensuite viennent les autres étudiants qui ont été undergrads, mais qui n'ont pas été plus loin et qui ensuite sont sur le marché du travail. Et puis viennent les résidents légaux permanents et les détenteurs de visas temporaires au titre du regroupement familial. Et donc les deux variables qui expliquent le mieux la hiérarchie, à la fois pour les salaires et pour la capacité d'invention, disons, eh bien ce sont d'une part le niveau d'études et le secteur d'activité. D'une part, les grandes entreprises, les universités, les hôpitaux, qui sont de très grands employeurs de talents immigrés, identifient le potentiel des immigrants d'après leur diplôme. Et d'autre part, il y a des mécanismes d'autosélection qui font agir les différents autres déterminants contenus dans ce que j'appelle l'enveloppe du talent. Et c'est ce qui fait que Jennifer Hunt accorde de l'importance à l'inventivité ou à différents indices de créativité ou encore à l'esprit entrepreneurial. Il se trouve que les migrants sont beaucoup plus enclins à démarrer des entreprises que les natives. Alors, il existe des données qu'on peut extraire de toutes sortes de publications différentes et qui sont congruentes. Les professions à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire à forte valeur ajoutée dans la production de connaissances, mais aussi de richesses ou de contributions à l'innovation, bénéficient beaucoup du talent drain. Alors, je peux vous en présenter quelques-unes de ces données. Juste le commentaire pour les prix Nobel, qui est une catégorie hautement symbolique, sur laquelle, évidemment, on a toujours un œil pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un talent, ou peut-être un génie, qui serait une forme exacerbée du talent. Eh bien, si on affecte les Nobel aux institutions auxquelles ils sont affiliés, 4 pays ont raflé plus de 80% des prix Nobel depuis 1901 jusqu'en 1915. Les États-Unis, 330 lauréats, le Royaume-Uni, 90, l'Allemagne, 69, et la France, 33. Si maintenant on regarde la mobilité, entre 1901 et 1930, 9% des Nobel étaient nés sur le sol américain et 13% étaient affiliés à des universités américaines. Depuis le milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui, 65% des Nobel sont affiliés à des universités américaines, mais moins de la moitié de ces Nobel travaillant aux États-Unis sont nés aux États-Unis. Donc vous voyez, le monde a pivoté et le talent drain n'est pas un vain mot. Sur l'ensemble des 661 lauréats des 4 Nobel scientifiques, des 4 prix Nobel scientifiques, 31 sont des migrants sur toute la période. 31% sont des migrants. Ici, vous avez les professions médicales dont je parlais à l'instant. 27% des médecins et chirurgiens aux États-Unis sont nés hors des États-Unis et 35% des internes des hôpitaux sont nés hors des États-Unis. Au Royaume-Uni, 26% des médecins du National Health Service, qui est, je vous le rappelle, le cinquième plus grand employeur au monde, sont nés hors du Royaume-Uni et ce National Health Service emploie plus de 200 nationalités. Les inventeurs, qui sont, comme vous l'avez compris, un point clé, si vous êtes attractif, vous attirez des immigrants qui déposent des brevets. Et vous voyez, les États-Unis ont un solde ultra positif, puisqu'il y a très peu de départs hors des États-Unis. La Chine a un solde très négatif sur les années 2000-2010. Et vous avez ici les différents pays, la Chine, l'Inde, qui sont des exportateurs nets de talents, le Canada aussi, vers les États-Unis principalement, la Grande-Bretagne aussi, à nouveau beaucoup vers les États-Unis. Mais ils en attirent aussi. Vous avez donc une combinaison des deux caractéristiques. Ici, vous avez l'Allemagne qui a un solde net proche de l'équilibre, mais capacité d'attraction et émigration aussi. Donc, il y a des mouvements internes, etc. La France, elle a un solde négatif. Donc, elle exporte ses talents d'inventeurs plus qu'elle n'en importe. Je vais enfin vous présenter des données qui sont extraites d'une enquête très intéressante de trois collègues, Franzoni, Selato et Stéphane, qui travaillent en Italie et aux États-Unis, sur la composition de la main-d'œuvre académique. Qui sont les universitaires dans les différents pays? D'où viennent-ils? En fonction de leur origine, est-ce qu'ils sont nés dans le pays ou ailleurs? En Australie, 44% des universitaires viennent d'ailleurs. Au Canada, 46% d'entre eux viennent d'ailleurs. En Allemagne, c'est le cas de 23%, etc. Et si je vais un peu plus loin, j'aurai ici le record absolu et détenu par qui? Par la Suisse. La Suisse est un grand prédateur, comme je l'avais déjà indiqué dans un cours antérieur sur un autre sujet, mais la Suisse est un grand virtuose dans la prédation sur le marché international des talents. Et c'est corrélé à son niveau de vie, mais aussi à sa technologie, en quelque sorte, de prélèvement sur le marché international à coût de salaire, très élevée et de conditions de travail ultra favorables, mais aussi d'une réputation qui s'est créée grâce à ce mécanisme endogène d'attraction qui finit par concentrer une masse de gens qui, effectivement, déclarent se trouver bien là où ils ont des collègues qui sont très sophistiqués, comme eux prétendent l'être aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet d'agglomération qui crée des externalités positives, pour parler un peu pompeusement. Je vais indiquer ceci pour finir. Tous les rouages de la sélectivité des talents immigrés que je viens de présenter agissent avec une intensité encore renforcée dans le secteur des fameux STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, et dans le principal secteur d'emploi de ces diplômés, qui est l'informatique. Et il ne vous échappera pas que c'est évidemment un sujet qui est particulièrement chaud, c'est-à-dire les emplois de programmeurs, computer scientists, ingénieurs, électroniciens, etc. On a des données très intéressantes sur ce cumul de mécanismes qui convergent vers le talent drain dans l'industrie informatique. J'extrais les résultats que je vous présente d'un travail de Bound et co-auteur qui porte sur les foreign IT workers. Et les résultats sont vraiment très éloquents. Je vous indique que dans l'ensemble de la main-d'œuvre qualifiée américaine, qui est détentrice au moins d'un bachelor, donc on se situe dans la partie supérieure des qualifications, les travailleurs nés à l'étranger occupaient en 2010 représentaient 16% des effectifs. 16% des gens qualifiés, diplômés d'au moins un bachelor, travaillant aux États-Unis, sont des étrangers. Le secteur des IT, qui s'est beaucoup développé, pour toutes les raisons que vous avez beaucoup de facilité à imaginer, il a connu une forte croissance des emplois, multiplié par un facteur de 2,4, et avec une fraction grandissante des actifs qui viennent de l'étranger. Ils étaient 15% en 93 et ils sont 31% en 2010. On a ici les données que je vais commenter brièvement, mais c'est les étrangers qui, en 2010, dans le secteur de l'industrie informatique, des IT, selon leur niveau de formation, et les étrangers sont ici et les natives sont là. Ici vous avez la situation en 1993 et ici vous avez la situation en 2010. Vous voyez que les étrangers sont détenteurs de diplômes égaux, de master, en nombre beaucoup plus important que les natives dans l'industrie de l'informatique. C'est tout à fait frappant de faire la comparaison, alors qu'il l'était déjà en 1993, mais les effectifs étaient moindres, la situation était déjà la même, mais elle n'a fait que s'amplifier. Donc, ce sont des travailleurs qui sont mieux formés. Ils ont un niveau de formation qui est sensiblement plus élevé. Proportionnellement, ils sont deux fois plus nombreux à être détenteurs d'au moins un master et trois fois plus nombreux à être détenteurs d'un PhD. Et donc, on peut dire que dans un secteur stratégique comme l'informatique, qui est au cœur de la révolution technologique actuelle, cette structure de la main-d'œuvre qualifiée, notamment par sa part immigrante, est le produit d'une sélection évidemment délibérée des carrières migratoires, notamment à partir des formations qui offrent un rendement très élevé aux compétences qui sont aujourd'hui le plus recherché et le plus rémunéré sur le marché du travail, les fameuses compétences des STEM. Selon les indications du National Science Board américain, en 2014, au plan mondial, les diplômés en sciences et en ingénierie représentaient environ la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur en Chine, 35% en Inde et 31% aux États-Unis. En France, c'est 25% pour les licences et 23% pour les masters, selon les données que j'ai consultées les plus récentes. Et donc, vous voyez le mécanisme. Le talent pool dans ce secteur-là et dans ces formations-là il s'est beaucoup développé dans les pays qui sont exportateurs nets de talents et d'inventeurs. Et maintenant, vous rapprochez ces données du palmarès des entreprises qui sont les entreprises qui emploient ces travailleurs. Et je vais finir sur ceux qui sont employés, notamment via les visas. Et bien, vous avez principalement des plus gros employeurs. Vous trouvez ça sur Wikipédia très facilement, mais c'est très bien fait. J'ai fait des vérifications. Vous avez essentiellement des sociétés d'informatique et de conseil qui sont les gros employeurs de main-d'œuvre. Et une partie de ces sociétés sont des multinationales et une partie significative de ces multinationales sont indiennes, notamment en raison de la forte proximité entre la virtuosité ou la capacité en informatique des Indiens et la ressource de développement du pays à partir de là. Donc vous avez une indication extrêmement précise de ce que c'est que cette combinaison de facteurs qui crée, par les formations, par les secteurs, par les entreprises et par les dispositifs régulateurs que sont les visas et les mécanismes de sélection de la main-d'œuvre dite talentueuse, vous avez là une illustration tout à fait saisissante. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 27 janvier 2017 le cours de Pierre-Michel Minger. Aujourd'hui, les migrations de talents. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». Et la même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage de référence « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Plus récemment, Pierre-Michel Minger a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent en compagnie de Pierre-Michel Minger. Nous interrogerons son étymologie, sa sémantique et sa longue histoire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.